You were a communist. I had sympathies, yes. Leanings, in fact. La reine savait-elle, oui ou non, qui était son expert en tableau? Mettre en lumière sa trahison pourrait causer encore plus de dégâts. Anthony Blunt, un espion sans honte, un frimeur arrogant et nuisible, une tapette vendue au communisme. En 1979, la révélation que ce gentleman de 72 ans avait été pendant peut-être 40 ans un espion soviétique fit l'effet d'une bombe au Royaume-Uni et déclencha sur lui un déluge d'insultes dans la presse. À Londres, on ne parle plus que d'une chose, à Londres et dans toute l'Angleterre d'ailleurs, c'est des exploits d'Anthony Blunt. Un énorme scandale, les services secrets britanniques viennent de s'apercevoir que Sir Anthony Blunt était un espion. L'espion de la reine, le conseiller personnel d'Elisabeth II en matière artistique, était bel et bien un espion au service de l'URSS. Anthony Blunt, que dis-je, Sir Anthony Blunt, anobli par la reine en 1956, était un des plus grands historiens d'art britannique. Un éminent spécialiste du peintre français Nicolas Poussin, il fut même le conservateur des collections royales à Buckingham Palace. Un secrétaire privé de la cour s'en souvient. Nous l'apprécions tous. Il avait des manières exquises et traitait tout le monde avec respect. Et il était, bien entendu, formidablement intellectuel. Pourtant, cet Anglais au-dessus de tout soupçon, dont tout le monde vantait l'intelligence, l'érudition, les bonnes manières et la discrétion, était en réalité un traître. Le 15 novembre 1979, la première ministre, Margaret Thatcher, fraîchement élue, livrait en pâture le nom de Blunt en pleine chambre des communes à Westminster. Last Thursday, I thought it right to confirm that Professor Blunt. Cet Anthony Blunt avait tout pour déplaire à la dirigeante conservatrice. Traître à sa patrie, inféodé à l'empire du mal, comme on appelait alors le bloc communiste, intellectuel se croyant protégé par ses origines bourgeoises, et cerise sur le gâteau, last but not least, Blunt était homosexuel. Cela faisait beaucoup pour un seul homme. Professor Blunt has admitted that he was recruited for Russian intelligence. Les Britanniques n'en croyaient pas leurs oreilles. Eux qui déjà avaient été traumatisés dans les années 50-60 en apprenant que trois brillants étudiants de Cambridge avaient espionné pour le compte de l'Union soviétique, découvraient maintenant qu'il en existait un quatrième. Ils étaient en fait cinq, mais on ne le saura que 20 ans plus tard. Quand les trois en question, Kim Philby, Guy Burgess et Donald MacLean, avaient compris qu'ils étaient démasqués, ils avaient fui en URSS. Mais cet Anthony Blunt, lui, vivait le plus tranquillement du monde au cœur de Londres, dans la plus totale impunité, et faisait partie de l'establishment. Historien d'art réputé, il était régulièrement interviewé par les médias du monde entier, France Culture compris. Ici, au micro de Pierre Descargues. Il y a un cas qui est, je m'adresse à Anthony Blunt, un cas qui est très révélateur, c'est le cas de Nicolas Poussin. Nicolas Poussin et bien aussi Claude Lorrain et Duguay, voilà des gens qui sont d'origine française et qui travaillent à Rome. Alors, Anthony Blunt, de quel côté sont-ils? Est-ce que vous les situez en Italie? Est-ce que vous les conservez français? Comment faites-vous? Pour moi, ils sont restés purement, je dis purement, français. Surtout Poussin, il adore Rome. Et il a passé sa vie avec des amis d'un genre assez extraordinaire. Quand le scandale éclata en 1979, les questions se mirent à fuser dans tous les sens. Combien de temps avait-il espionné? Quels renseignements cet agent communiste avait-il livré à Moscou? Comment se faisait-il qu'on ne le découvrait que maintenant? Avait-il été protégé? Et question suprême et tabou, la reine Elisabeth II était-elle au courant? La reine savait-elle, oui ou non, qui était son expert en tableau? Elle, qui pendant des années avait croisé dans les salons ouatés de Buckingham Palace, ce grand homme maigre et dégingandé au profil d'oiseau qui veillait sur sa collection de peintures. À n'en pas douter, le cas Blunt avait tout d'une affaire d'État. Mais pour les Britanniques, le séisme tenait aussi de la crise d'identité. Comment était-ce possible qu'un Anglais, aussi profondément anglais, éduqué dans les écoles et les universités les plus prestigieuses, ait pu trahir sa patrie ? Pour percer le mystère Blunt, il faut justement remonter dans sa jeunesse, du temps de ses études au Trinity College de Cambridge. Un monde clos, non mixte, qui cultive chez les étudiants le sentiment de former une élite faite d'excellence intellectuelle, de reconnaissance sociale et d'amitié virile. Tout cela dans le contexte des années 30, où se développe la conviction que le capitalisme vit ses dernières heures et que seule l'Union soviétique pourra venir à bout du nazisme. C'est donc dans cet univers très particulier qu'Anthony Blunt, homosexuel et espion, passera maître dans l'art de la dissimulation et du secret. Anthony Blunt naît en 1907 dans une famille respectable, pieuse et pauvre. Son père est pasteur, sa mère une lointaine cousine de la mère d'Elisabeth II, mais de la branche pauvre, à laquelle la reine refile ses vieilles robes. L'enfance d'Anthony, vécue dans un presbytère sinistre, est placée sous le signe de l'austérité et de l'ennui. Mais en 1912, dans cette grisaille, survient un événement extraordinaire. Le père est nommé aumônier à l'ambassade du Royaume-Uni en France. La découverte de Paris et du Louvre est un éblouissement pour Anthony. Le petit garçon, malingre et timide, mais déjà intelligent et curieux, développe une véritable passion pour l'art, en particulier pour la peinture française du XVIIe siècle. C'est sans doute cette passion qui, un jour, on le verra, le sauvera de celle beaucoup plus destructrice de l'espionnage. De retour en Angleterre, quand Anthony a 13 ans, ses parents se saignent à blanc pour l'envoyer au Marlborough College, une public school très sélecte, mais aussi très sévère. Barclay a encore confisqué une torche hier soir. Ça en fait combien ? 12. 12 lampes confisquées pour m'empêcher d'acquérir l'instruction que je suis censé recevoir ici. Ah, si les parents étaient au courant de ce qui se passe ici. Ils le sont. Les pères, en tout cas. Oulie, vite ! Châtiment corporel, nourriture immonde, eau gelée dans les lavabos, une éducation à la dure, censée fabriquer des Anglais, des vrais. Pourtant, c'est là qu'Anthony va vivre ses premiers émois amoureux, des émois interdits bien sûr, et affirmer sa vocation d'intellectuel charismatique, réunissant autour de lui une cour d'adolescents admiratifs. On comprend qu'un jour, c'est Blunt que le NKVD, le renseignement soviétique, chargera du recrutement. En 1926, Anthony Blunt ne change pas vraiment d'ambiance quand il entame ses études au prestigieux Trinity College de Cambridge. Mon premier jour à Cambridge s'est achevé par le dîner d'accueil. Un grand moment. Le maître nous a fait un discours émouvant et j'attends maintenant avec impatience le vrai début du trimestre. Sa voie semble toute tracée, devenir un brillant universitaire, un éminent historien d'art. À l'aise dans l'atmosphère exclusive, pour ne pas dire snob, du collège, Blunt est admis aux Apôtres, un club très privé et élitiste où tous les samedis soirs, les plus brillants esprits de Cambridge, c'est ainsi qu'ils se considèrent, se retrouvent pour discuter art, poésie, musique, en buvant du café et en mangeant des sardines à l'huile sur toast. Les Apôtres. Les Apôtres. Blunt, Burgess and Bell. Je pense que nous pouvons les rejoindre. Cela serait un grand honneur. Mais pourquoi ? Les apôtres sont très importants à Cambridge. Ce n'est pas encore de l'espionnage, mais déjà une société secrète. Pour ces apôtres, en rupture avec la société victorienne corsetée, les maîtres mots sont la beauté et la vérité. La morale et le patriotisme en feront les frais. On verra à quel point. Ce club est aussi un espace de relative liberté pour l'homosexualité, considéré alors encore comme un crime en Angleterre. Aux apôtres, Anthony Blunt se lie avec un être tout à fait différent de lui, Guy Burgess, esprit brillant et fantasque, grand fêtard et buveur, homosexuel décomplexé. Ami et amant, il aidera Blunt à se débarrasser de ses inhibitions sexuelles. Et surtout, c'est Burgess qui plus tard le recrutera au NKVD. Mais pour l'instant, Blunt et ses amis ne s'intéressent pas à la politique. Des événements vont changer la donne. L'arrivée au pouvoir d'Hitler en Allemagne, ajoutée à la crise économique qui frappe de plein fouet la Grande-Bretagne, amène de plus en plus de jeunes intellectuels anglais à la conviction que le communisme est l'avenir de l'humanité et que seule l'URSS pourra vaincre le fascisme. Il n'y a pas d'autre choix, le communisme ou le fascisme. Il n'y a rien entre les deux. Pour combattre le fascisme, tu dois être communiste. Tout le reste est de l'eau tiède. Anthony Blunt se laisse convaincre. En 1935, comme beaucoup d'intellectuels français, il participe avec d'anciens étudiants de Cambridge à un voyage en URSS. En URSS, l'armée soviétique défile sur la place Rouge. Une revue militaire spectaculaire. Un voyage où tout est fait pour éblouir les visiteurs et cacher la réalité de la misère, des purges et des camps. Anthony, qui n'y voit que du feu, en revient enchanté avec une foi intacte. Autre événement déterminant, la guerre d'Espagne qui éclate en 1936. Les patriotes subissent un bombardement assidu sur Madrid. Deux amis chers d'Anthony, les jeunes poètes John Cornford et Julian Bell, rejoindront les rangs républicains en Espagne. Julian Bell, qui était l'amant de Blunt. Mon nom est Julian Bell. Quelque chose est arrivé aujourd'hui, quelque chose qui nous a tous transformés. Le gouvernement a annoncé qu'il est désormais illégal pour les hommes et les femmes de ce pays d'aller en Espagne combattre pour la liberté contre Franco. C'est à nous de choisir si, comme le gouvernement, nous tournons le dos à l'Espagne. Les deux poètes trouvent la mort en Espagne. Bouleversés, c'est là qu'Anthony Blunt décide de franchir le pas. Non pas en militant au grand jour au Parti communiste anglais, mais plutôt comme il le fait toujours, en prenant la voie de la conspiration et du secret. En janvier 1937, c'est son ami Guy Burgess qui organise le rendez-vous avec Arnold Deutsch, nom de code Otto, l'officier traitant du NKVD en poste à Londres. Blunt, impressionné par cet espion autrichien cultivé, polyglotte et sûr de sa cause, accepte de travailler pour lui. Voilà comment Otto décrit Tony, c'est le nom de code de Blunt, à ses supérieurs à Moscou. Tony est un intellectuel britannique typique, très instruit, très intelligent, parle un anglais très empoulé, a un côté très féminin. C'est un pédéraste, maniéré et froid. Il comprend bien les tâches qu'il doit accomplir pour nous. C'est ce même Otto qui a recruté Guy Burgess, Kim Philby, Donald McLean et John Cairncross, ceux qu'on appellera un jour les 5 de Cambridge. Une belle prise pour les soviétiques, conscients que ces brillants étudiants seront un jour au poste clé du Royaume-Uni. Anthony Blunt est désormais un agent soviétique. Sa mission consiste à recruter de nouveaux agents parmi les étudiants de Cambridge. Sa première proie s'appelle Michael Strait, un étudiant de gauche d'origine américaine, très démoralisé par la mort en Espagne de son ami John Cornford. Un soir, profitant de son désarroi, Blunt l'invite chez lui pour lui parler de son avenir. Nous avons des plans pour toi, Michael. Tu dois retourner aux États-Unis, travailler dans la finance internationale afin de nous informer des plans ourdis à Wall Street pour dominer l'économie mondiale. Mes camarades m'ont demandé de t'expliquer que c'est ton devoir. Ça veut dire que je dois quitter mes amis ? Ma famille ? Que je retourne dans un pays que je connais à peine ? Et que je mène une existence de tromperie ? John Cornford, lui, a renoncé à la vie. Ce Michael Strait racontera plus tard que ce soir-là, il voulut refuser. Mais subissant la pression affective de Blunt, il finit par lui obéir. Au printemps 1937, Michael Strait embarque pour les États-Unis, où il deviendra une personnalité de la gauche américaine, espionnant secrètement pour les Soviétiques. En 1938-1939, Blunt devient un éminent critique d'art et intègre le prestigieux Institut Courtauld. Pendant ce temps, l'Europe marche vers la guerre. En septembre 1938, l'humiliante conférence de Munich a bien tenté de sauver la paix en abandonnant la Tchécoslovaquie à Hitler. À son retour à Londres, Neville Chamberlain, le Premier ministre, est ovationné par la foule reconnaissante. À sa descente d'avion, M. Chamberlain annonce au peuple anglais l'heureuse issue de ses efforts et que la voie est ouverte aux Anglo-Allemands. Which bears his name upon it as well as mine. Mais cette paix n'est qu'un répit. Un an plus tard, Hitler attaque la Pologne. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, à la radio, le roi George VI s'adresse à son peuple. Pour la seconde fois, dans la vie de la plupart d'entre nous, nous sommes en guerre. Inlassablement, encore et encore, nous avons tenté de trouver une solution pacifique. Aux différends entre nous et ceux qui sont désormais nos ennemis. Mais ce fut en vain. C'est la guerre. Pas le moins du monde troublé par le pacte que viennent de sceller Hitler et Staline, Anthony Blunt, 32 ans, demande à être incorporé dans le renseignement militaire anglais qui, en ce début de guerre, recrute à tour de bras. Il manque d'agents polyglottes. Blunt, qui parle français et allemand, est le candidat idéal. Mais, à sa grande frayeur, il subit un interrogatoire en règle sur son passé. You were a communist. Vous avez été communiste. J'ai eu des sympathies, oui. Des penchants, en effet. À Cambridge. Mais comme beaucoup de ceux de Cambridge. Et c'est en train de me passer. Ça ne vous a pas encore passé. Mon penchant était fort. M'en détacher prend un peu de temps. Nous avons terminé ? Oui. Son passé communiste, une erreur de jeunesse, explique Blunt, rien de plus. Curieusement, l'armée, d'une désastreuse naïveté, croit à sa fable et l'engage. Et le voilà officier, embarqué en France. Sa mission avec le corps expéditionnaire anglais est de surveiller le port de Boulogne-sur-Mer. Mais c'est la drôle de guerre, il ne se passe pas grand-chose et Blunt s'ennuie ferme. Mais tout change quand le 25 mai 1940, l'armée allemande s'empare de Boulogne. Les troupes anglaises, bientôt encerclées et prises au piège à Dunkerque, seront évacuées en urgence, tant bien que mal, vers l'Angleterre. Blunt compris. Le camp retranché de Dunkerque résiste toujours à la dure pression allemande. Faisant preuve d'autant d'activité que d'abnégation, les marines françaises et britanniques transportent vers la côte anglaise tous les éléments qui peuvent être dégagés de la bataille. Rentré à Londres, Anthony Blunt ne perd pas de temps. En juin 1940, un ami le présente à un chef du MI5, le contre-espionnage anglais, qui, impressionné semble-t-il par son intelligence et ses bonnes manières, décidément les bonnes manières comptent beaucoup pour les espions anglais, l'invite à rejoindre ses services. Les soviétiques peuvent se frotter les mains. Toutes leurs recrues de Cambridge sont aujourd'hui aux manettes. John Cairncross et Donald MacLean au Foreign Office, dans la diplomatie. Kim Philby et Guy Burgess sont au MI6, le service de renseignement extérieur du Royaume-Uni. Et Anthony Blunt, donc, au MI5. Désormais, notre très distingué historien d'art est un agent double, travaillant en principe pour Sa Majesté, mais en réalité pour Staline. En septembre 1940, Hitler, qui s'est mis en tête d'envahir le Royaume-Uni, lance une intense campagne de bombardements aériens, le Blitz. Pendant 8 mois, les Londoniens vivent au rythme des alertes et des bombes. Étrange, cette vie qui continue sous le Blitz. Dans l'appartement qu'Anthony Blunt partage à Londres avec Guy Burgess et 2 amis, les fêtes, malgré les bombes, s'enchaînent, orgiaques et fortement alcoolisées, comme pour défier la mort. Un témoin en gardera un souvenir épouvanté. L'appartement était peuplé de partisans inconditionnels de l'Union soviétique et n'était autre chose qu'un bordel masculin. Une maison close de luxe où Guy Burgess ramenait une série de jeunes gens, soldats, marins et aviateurs. Blunt, moins tête brûlée que Burgess, a tout d'un bourgeois anglais tranquille. À côté de son travail académique, il aime prendre le thé avec sa vieille mère ou boire un verre à son club. Mais sa vie est cloisonnée. Blunt aime aussi la transgression et le danger. Puisque la société anglaise a fait des homosexuels des criminels, lui espionne pour l'Union soviétique, le pays où un jour, il en est sûr, les homosexuels seront libres. À son bureau du MI5, Blunt profite des pauses déjeuner de ses collègues pour fouiller frénétiquement les tiroirs. Une fois par semaine, il quitte son travail vers 19h en emportant des documents secrets pour, dit-il à ses collègues, travailler à la maison. En réalité, Blunt a rendez-vous avec son officier traitant dans un pub ou sur un banc de Regent's Park. Il lui remet les documents et pendant la nuit, l'agent soviétique les photographie et le lendemain matin, les rend à Blunt qui les rapporte ni vu ni connu au MI5. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, même pendant la période du pacte germano-soviétique, Blunt fournira près de 1000 documents au NKVD. En particulier, tout ce qu'il peut trouver sur l'armement des Allemands et leurs mouvements de troupes. Des données sensibles provenant essentiellement de Bletchley Park, ce manoir au sud-est de Londres, où dans le plus grand secret, des décrypteurs décodent les messages codés ennemis, parmi lesquels les messages cryptés grâce à Enigma, la machine allemande longtemps réputée inviolable. Je vous présente Enigma. Les détails concernant chaque attaque surprise, chaque convoi secret, chaque sous-marin infestant l'Atlantique entre dans cet objet et en ressort sous la forme d'un charabia. La main de la mort. Nos opératrices interceptent des milliers de messages radio par jour. Mais pour les charmantes recrues de la Royal Navy, ils n'ont aucune signification. Le codage Enigma qui sera cassé pendant la guerre grâce au génie d'Alan Turing. En juin 1943, Blunt transmet aux Soviétiques des renseignements qui se révéleront décisifs lors de la bataille de Koursk. Cette bataille titanesque gagnée par l'URSS qui marque un tournant dans la guerre. Après cette victoire, Blunt écrira une lettre exaltée au NKVD. Il est difficile d'exprimer à quel point je suis fier de savoir que le travail que j'accomplis a été utile à la lutte contre le fascisme. Blunt, agent très zélé, donnera aussi aux Soviétiques les noms de tous ses collègues du MI5. Et en 1944, les dates et lieux des débarquements alliés en Europe. Le monde entier célèbre la fin de la guerre en Europe. Les nations sont reconnaissantes pour cette victoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre en Europe. L'agent double, Anthony Blunt, épuisé par le stress de ses années d'espionnage, décide de changer de vie et de mettre en veilleuse son activité pour Moscou, sans toutefois rompre complètement les ponts. Un événement inattendu va l'aider dans cette voie. À l'été 1945, le roi George VI, le père de la future Elisabeth II, fait appel à Blunt pour une mission délicate. Blunt, historien d'art, ex-agent du MI5, qui parle parfaitement allemand. Pour George VI, Blunt est de toute évidence l'homme de la situation, s'il savait. Nous avons une mission délicate à vous confier. Quelque chose à récupérer. Cela concerne le duc de Windsor, mon fou de frère. Des lettres qu'il a écrites à quelqu'un en Allemagne. Quel genre de lettres ? Des lettres qui parlent de son amour pour l'Allemagne et pour Hitler. Des lettres que nous souhaitons récupérer. Une question d'honneur. Nous savons que nous pouvons compter sur votre finesse et votre tact. Une mission secrète ? Si vous le faites pour nous, ce sera votre dernière mission secrète. J'y veillerai. Blunt accepte et part dans l'ouest de l'Allemagne, alors occupée par les Américains, pour récupérer au château de Friedrichshof les lettres compromettantes du duc de Windsor, l'ex-roi qui avait abdiqué en 1936 à cause de ses liens avec l'Allemagne nazie. Des lettres compromettantes qui ne doivent en aucun cas tomber dans les mains des Américains. Blunt accomplit pleinement sa mission. À son retour, le roi sait se montrer généreux. Nous sommes très reconnaissants. Nous souhaiterions vous offrir un poste. Conservateur des collections royales. King's pictures. Conservateur des collections royales, une des collections d'art les plus riches au monde. Un cadeau en or pour Anthony Blunt. Mais quelle ironie ! L'espion communiste propulsé courtisan à Buckingham Palace. Mais quelle meilleure manière de dissiper aussi d'éventuels soupçons et de consolider sa position sociale. Et en 1947, les honneurs entraînant les honneurs, Blunt est nommé directeur de l'Institut d'art Courtauld, avec un magnifique appartement de fonction au dernier étage. Blunt se maintiendra dans ses deux fonctions prestigieuses pendant 27 ans. Le voici interviewé à Buckingham Palace par un journaliste de la BBC. C'est un moment historique. Les caméras de télévision à Buckingham Palace. Quand il s'agit de regarder les tableaux, les meubles et toutes les belles choses ici, la meilleure personne pour nous en parler est celui qui porte le titre un peu vieillot de conservateur des tableaux de la reine. Sir Anthony Blunt, qui est ici. Sir Anthony, si l'on veut sélectionner les plus belles pièces au milieu de toutes les belles choses de grande valeur qui sont ici, par quoi devrions-nous commencer ? Nous nous tenons actuellement devant le fameux portrait de Charles Ier, peint par Van Dyck. Charles Ier, un des personnages les plus fascinants. Anthony Blunt appartient maintenant à l'establishment. Mais l'ex-espion est toujours un homme en sursis. La moindre rumeur, le moindre faux pas peut le faire tomber. C'est bien ce qui a failli se passer en 1951. Cette année-là, Donald MacLean, un des cinq de Cambridge, est démasqué. Mais grâce à Kim Philby, qui l'avertit à temps, MacLean, en compagnie de Guy Burgess, réussit à s'enfuir avant d'être arrêté. Les deux finiront leur vie en URSS sans jamais revoir la Grande-Bretagne. L'affaire des deux disparus fait scandale en 1951 et rapidement, la presse et la police s'intéressent à Blunt, le vieux copain de Burgess. L'a-t-il aidé à échapper à la police ? N'est-il pas lui aussi un espion ? Décidément très fort, Blunt, interrogé à 11 reprises, tient bon et réussit à ne rien avouer au MI5 qui, il le sait, n'a aucune preuve contre lui. Son officier traitant le pousse tout de même à faire défection lui aussi. Mais pour Blunt, très attaché à sa vie anglaise, c'est hors de question. Plutôt se suicider que de partir à Moscou. Je sais très bien comment vous vivez en Union soviétique. Et je puis vous assurer que ce serait très dur pour moi. Presque insupportable et... Vous ne pourrez pas me garantir l'accès au château de Versailles lorsque j'en aurai besoin pour mon travail. Pendant une dizaine d'années, Anthony Blunt poursuit son ascension dans le monde de l'art. En 1956, la jeune reine Elisabeth II, avec qui il est en très bons termes, le fait chevalier pour service rendu à la couronne. Et autour du professeur Blunt se constitue une véritable cour d'étudiants en adoration devant leur maître. L'intellectuel est brillant, mais l'homme reste pour tous froid et insaisissable, comme si toute intimité amicale ou amoureuse pouvait mettre en danger son secret. En effet, malgré sa gloire, Anthony Blunt, qui souffre d'un ulcère à l'estomac, vit dans une angoisse permanente d'être découvert. En 1963, après Burgess et MacLean, c'est au tour de Kim Philby de faire défection en URSS. Mais combien de temps Blunt, lui, va-t-il encore tenir ? Ce qu'il craignait arrive finalement en 1964. De nouveaux éléments tombent sur le bureau du procureur chargé de l'affaire Blunt, grâce aux révélations de Michael Strait. Vous vous souvenez, l'étudiant de Cambridge que Blunt avait recruté et envoyé espionner aux États-Unis. Le 23 avril 1964, un officier de MI5 se présente au domicile d'Anthony Blunt. Reçu dans son salon, il lui demande s'il peut utiliser un magnétophone. Blunt accepte. Monsieur Blunt, je suis ici car nous avons des preuves certaines que vous avez été un agent soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est faux. Il y a quelques jours, nous avons rencontré Michael Strait. Il nous a parlé de vos liens avec les Russes. C'est faux. Monsieur Blunt. Si vous avouez, la justice est prête à vous accorder l'immunité totale. Blunt, visiblement stupéfait, ne dit rien, puis se lève. Semblant réfléchir, il se sert un verre, se dirige vers la fenêtre et soudain se retourne vers son interlocuteur. C'est vrai. À partir de ce 23 avril 1964, Anthony Blunt va tout avouer au MI5. Toutes ses activités d'espionnage depuis 1937 et les noms de toutes les taupes qui ont travaillé en Angleterre pour l'Union soviétique. La reine Elisabeth II est mise au courant. Monsieur Furnival Jones, votre majesté, directeur général du MI5. Votre majesté, merci de me recevoir. Je n'éprouve aucun plaisir à vous dire que nous avons été infiltrés par un ancien agent russe qui a été identifié comme une taupe au sein des institutions britanniques. On ne sait pas comment la reine a réagi. En tout cas, elle va suivre les recommandations du MI5, garder l'affaire secrète et, avec son flegme légendaire, faire comme si de rien n'était. Mettre en lumière sa trahison pourrait causer encore plus de dégâts. Cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur la réputation de nos services de renseignement. Le fait qu'il soit passé si longtemps inaperçu pourrait avoir pour conséquence d'affecter sérieusement nos relations avec les Américains. Et comment expliquer que le MI5 ait mis si longtemps à faire la lumière sur Blunt ? Sans doute à cause d'un préjugé de classe qui veut qu'un Anglais de bonne famille, éduqué dans les meilleures écoles, soit incapable de trahir sa patrie. Et donc, chose extraordinaire, à partir de 1964, Anthony Blunt, désormais débarrassé de son secret et protégé par l'immunité, va continuer à vivre normalement, toujours à la tête des collections royales et de l'Institut Courtauld. Cette brillante tranquillité aurait pu se poursuivre ainsi jusqu'à la mort de Blunt. Mais c'était sans compter avec la haine et la jalousie d'une vieille connaissance. En 1978, Goran Wiries, un ancien camarade d'université qui depuis longtemps déteste Blunt et connaît ses activités d'espionnage, décide de tout révéler à un journaliste, Andrew Boyle, dont le livre « Un climat de trahison » fait scandale en 1979. Pour l'instant, le nom de l'espion n'est pas cité. c'est la première ministre, Margaret Thatcher, qui le 15 novembre 1979, à Westminster, en pleine séance de la Chambre des communes, révèle enfin le nom du traître. Jeudi dernier, j'ai pensé qu'il était juste de confirmer que le professeur Blunt avait effectivement été un agent soviétique. Le professeur Blunt a reconnu qu'il avait été recruté par le renseignement russe quand il était à Cambridge avant la guerre. Il ne fait aucun doute que les intérêts britanniques ont souffert du fait de ses activités. En sortant de la séance, Margaret Thatcher aurait déclaré à un député à propos de Blunt « ça lui fera les pieds ». Alors que l'excitation médiatique est à son comble, Blunt, lui, a disparu. Quelques jours plus tard, les journalistes finissent par le retrouver et font le siège de la maison où il se cache. Anthony Blunt se décide alors à donner une conférence de presse dans les locaux du journal The Times, où pour l'occasion, on sert des sandwichs à la truite fumée, du café, du vin et des cigares. Seuls quelques journalistes triés sur le volet sont conviés. La presse populaire, qui a été exclue, est furieuse. « Chez nous, écrit le Daily Express, ce faucheton de Blunt n'aurait même pas eu droit à un vieux hareng rassis. » Le même jour, Blunt parle aussi à la BBC. Avec calme et flegme, il assure que les renseignements qu'il fournissait aux Soviétiques pendant la guerre ne concernaient que l'espionnage allemand, ce qui est faux, et qu'aucune vie n'a été mise en danger à cause de lui, ce qui est sans doute vrai. Qu'éprouvez-vous aujourd'hui en tant que traître ? Je ne peux le nier. Vous vous considérez comme un traître ? Vous avez le sentiment d'avoir trahi la Grande-Bretagne ? J'ai le sentiment de n'avoir jamais trahi ma conscience. Je reconnais avoir fait une terrible erreur, mais en le faisant, j'ai agi selon ma conscience en 1935, 1936. C'était de la loyauté envers ce pays. Mais je le répète, je pensais que c'était la seule chose juste à faire pour la cause de l'antifascisme. Je comprends maintenant avec amertume que c'était une grave erreur. Vous avez des regrets ? Oh oui, je suis amer. Les regrets exprimés par Blunt ne convainquent pas grand monde. Et les insultes pleuvent, sur le traître, mais aussi sur l'homosexuel. Pour le Daily Express, Blunt n'est qu'une tapette vendue au communisme. Dans les années qui suivent, Blunt, qui a perdu toute fonction ou titre honorifique, voyage et tente de se faire oublier. Jusqu'à sa mort en 1983, à l'âge de 75 ans, il ne vit que pour son art et pour un cercle restreint d'amis. L'amitié fut sans doute d'ailleurs la seule patrie que Blunt ait jamais reconnue dans sa vie. Lui qui, dans sa jeunesse, avait fait son credo de ces mots étranges du poète Foster « Si j'avais à choisir entre trahir mon pays et trahir mes amis, j'espère que j'aurai le courage de trahir mon pays. » Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.